Chapitre 11. L'affront. Alors qu'elle s'asseyait à sa place habituelle, tout au bord de la scène de théâtre, Ophélie mesura la portée des paroles de sa tante dans l'ascenseur. Il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude sur les rangées de fauteuils, et pas un dandy qui réprima un bâillement, pas un noble qui consulta sa montre, pas une dame qui joua avec ses perles. Non, ce soir, dans la pénombre veloutée de la salle, chaque spectateur pointait sur Ophélie, ses jumelles de théâtre. La veille encore, elle n'était pour eux qu'une petite étrangère, un tantinet simplette. Une journée chez Archibald venait de lui faire perdre toute son innocence. Elle avait fait son baptême du vice, son premier pas vers la dépravation, bref. Elle était en train de devenir leur égale, et ils envisageaient désormais de la surveiller d'un peu plus près. Aucun de ces nobles ne l'inquiétait davantage que Bérénilde, assise au premier rang, ses diamants scintillant dans le jeu d'ombre et de lumière. Jusqu'à présent, elle l'avait toujours encouragé d'un regard avant sa représentation. Pas cette fois. S'il y avait bien un soir où Ophélie n'aurait pas dû oublier son livre de contes au gynécée, c'était celui-ci. Seul Farouk ne paraissait pas ressentir l'ambiance délétère qui baignait la salle comme une eau stagnante. Il quitta son fauteuil et s'approcha de la scène, comme il avait pris l'habitude de le faire. Aussi inexpressif qu'une statue, ses longs cheveux l'enveloppant comme une cape blanche, il s'assit au milieu des coussins que le directeur du théâtre avait placés là à son intention, et désireux de faciliter ce curieux rituel. Farouk attendait le conte, Ophélie attendait l'inspiration. Le silence qui s'installa entre eux fut si long que les spectateurs commencèrent à échanger des chuchotis, en prenant garde à ne pas trop élever la voix tout de même. Un verre de lait leur avait suffi. Ophélie savait qu'elle devait prendre la parole sans tarder, mais sa tête sonnait désespérément creux. Même les histoires qu'elle connaissait par cœur à force de les raconter voltaient à travers sa mémoire sans se poser, pareil aux papillons que le baron Melchior avait projetés sur sa robe. « Seriez-vous d'accord pour que nous reportions les comptes d'objets à demain ?» demanda-t-elle timidement. Les courtisans, assis trop loin pour l'avoir entendu, continuaient de chuchoter dans l'ombre des jumelles. Farouk, quant à lui, n'avait pas bougé d'un cil. Il continuait de poser son regard trouble sur Ophélie, comme s'il ne l'avait pas entendu non plus. Ce fut au bout d'un interminable tête-à-tête qu'il finit par articuler d'une voix extrêmement grave et extrêmement lente. « Racontez votre histoire. » « Je suis désolé, monsieur. Ce soir, je n'y arrive pas. » Les lourdes paupières de Farouk se baissèrent à demi, et son regard se fit plus attentif. Cette simple hausse de concentration propagea son onde mentale dans l'atmosphère. Ophélie se contracta de la tête aux pieds quand la vague l'atteignit. Le pouvoir de Farouk s'attaquait directement au système nerveux et il n'y avait rien qu'elle pût faire pour s'en protéger. « Vous n'y arrivez pas, » répéta-t-il. « Non, je vous présente toutes mes excuses. » Farouk tourna lentement, très lentement la tête. Interprétant le signal, le jeune aide-mémoire accourut au petit trot et lui remit son pense-bête. « Là, » dit-il, « j'ai écrit. La vice-conteuse me racontera des histoires chaque soir. » Ophélie sentit sa bouche devenir sèche. Comment une personne pouvait-elle à ce point nier la volonté d'une autre? Elle se demanda, tout en promenant son regard sur les rangées de spectateurs, si ce n'était pas son égocentrisme, plus encore que son étrange pouvoir familial que ce père avait communiqué à l'ensemble de sa progéniture. Ophélie s'écouta soudain parler, comme si sa bouche savait mieux qu'elle ce qu'il fallait faire. « Il était une fois, sur Anima, la poupée d'une petite fille. » C'était une poupée articulée capable de bouger la tête toute seule, de lever les bras toute seule, de marcher sur ses jambes toute seule. La poupée aimait beaucoup la petite fille, mais arriva un jour où Elle ne voulut plus être son jouet. Elle désirait avoir son propre rêve. Elle désirait être une actrice. « Je n'aime pas cette histoire, » la coupa Farouk. « Racontez-en une autre. » Ophélie inspira profondément, puis poursuivit. Une nuit, la poupée quitta la chambre de la petite fille. Elle voyagea à travers le monde, d'arche en arche. Elle ne pensait qu'au moyen de réaliser son rêve. La poupée finit par tomber sur des marionnettistes. Habituellement, Ophélie ménageait des pauses et mélangeait plusieurs contes. Ce soir, toutefois, elle s'exprimait d'une voix rapide et dans un état second. La colère, la fatigue et la peur avaient pris le contrôle de sa langue et elle ne savait plus très bien à qui, d'elle ou de Farouk, ce conte s'adressait réellement. Les marionnettistes promirent à la poupée de faire d'elle une actrice. C'est ainsi que chaque soir elle se produisit sur les planches de leur petit théâtre. Tout le monde se bousculait pour la voir. Et pourtant, chaque soir après le spectacle, la poupée n'était pas heureuse. Elle pensait de plus en plus souvent à sa petite fille. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si vide. N'avait-elle pas réalisé son propre rêve? N'était-elle pas enfin devenue une actrice? C'est assez! Farouk avait interrompu Ophélie pour la seconde fois. Il y eut un remous nerveux dans toute la salle. Ophélie savait qu'elle aurait dû s'en tenir là pourtant. La suite du conte s'échappa d'elle, comme s'il était doué d'une vie propre. Et un jour, la poupée finit par découvrir toute la vérité. Être actrice n'était pas son rêve à elle. C'était depuis le début le rêve de la petite fille. La poupée n'avait jamais cessé d'être son jouet. À peine prononça-t-elle le dernier mot du conte, qu'Ophélie fut traversée par une douleur si violente qu'elle dut se cramponner au rebord de la scène pour ne pas tomber en avant. Elle sentit le sang couler de son nez et se répandre sur son menton. Le pouvoir de Farouk s'était propagé comme une onde de choc. Alors qu'il défaisait son invraisemblable posture, démêlant un à un ses membres pour se mettre debout, son visage perdit son inexpressivité de marbre. Ses sourcils blancs se haussèrent, ses yeux pâles s'agrandirent et ses muscles faciaux se distendirent dans un seul et même mouvement de dilatation. Ophélie fut empoignée par le bras et tirée en arrière. C'était le vieil Éric qui avait bondi des coulisses pour la relever de force. « Que Monseigneur reprenne place, il lui sera raconté une nouvelle variante du vagabond borgne !» annonça-t-il d'une voix si puissante que ses airs évoquaient des coups de tonnerre. « Le spectacle continue !» Sur scène, des machinistes s'activaient déjà pour remettre en place le dispositif du projecteur à illusion. Emportée vers l'arrière-scène, piétinant sa propre écharpe affolée, Ophélie vit une dernière fois l'expression décomposée de Farouk avant que la toile blanche de l'écran ne tombât entre eux comme un rideau. « Vous êtes complètement inconsciente !» grommela le vieil Éric dans sa barbe quand il fut certain de ne pas être entendu. « Vous voulez faire tomber la foudre sur votre tête ?» Ophélie avait cru qu'il s'était emparé de l'occasion pour reconquérir le haut de l'affiche. En le voyant aussi effrayé qu'elle, elle commençait à comprendre qu'il venait peut-être de lui sauver la vie. « J'étais à court d'idées !» bredouilla-t-elle en postillonnant du sang. « Je ne pensais pas que cette histoire le mettrait dans cet état. » « Si je détourne son attention maintenant, il aura peut-être oublié votre affront !» grommela le vieil Éric en enfilant les bretelles de son accordéon. « Il ne faut pas lui laisser le temps de noter l'incident dans son pense-bête. C'est tout le théâtre qui pourrait en subir les conséquences. » Sur ces mots, il poussa rudement Ophélie dans les coulisses. À peine fut-elle avalée par l'obscurité que la voix hypnotique du conteur s'éleva pour recouvrir les huées du public. Désorientée, Ophélie s'éloigna d'un pas tremblant, tandis qu'elle prenait peu à peu la mesure de ce qu'elle venait de faire. Quand elle sentit les mains solides de Renard rencontrer les siennes dans le noir, elle s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Je crois que cette fois, j'ai vraiment fait une bêtise. »« Vous voulez toujours de mes opinions et de mes conseils, mademoiselle ? Voici mon opinion. Vous avez urgemment besoin d'être conseillé, et voici mon conseil. Écoutez toujours mon opinion. » Ce fut beaucoup plus tard dans la nuit qu'Ophélie eut enfin une pensée pour Thorne. Recroquevillée dans son lit, accablée par la chaleur tropicale, elle était en proie à une telle anxiété que son animisme, exceptionnellement fébrile, contaminait tout le mobilier de la chambre. La moustiquaire en baldaquin se gonflait comme une voile de bateau, les cintres du paravent cliquetaient les uns contre les autres, les lunettes galopaient le long du lit avec une démarche de crabe furieux, le soulier gauche tapait du talon sur la moquette et les persiennes grelottaient dans leurs gonds, faisant trembler la lumière illusoire du soleil à travers les interstices. Ophélie avait longtemps cherché le sommeil pour mettre un terme à ce remue-ménage, mais dès qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage décomposé de Farouk, comme s'il s'était imprimé sous ses paupières. Il lui avait fallu 4 mouchoirs pour venir à bout de son saignement de nez, et son corps était encore parcouru de névralgies douloureuses. Ophélie ne s'expliquait pas comment un simple conte avait pu à ce point bouleverser cet esprit de famille. Lorsque Farouk lui avait dit qu'il n'aimait pas cette histoire, elle avait cru que c'était parce qu'il reconnaissait ses propres courtisans à travers les marionnettistes et que cette vérité-là le dérangeait. Elle réalisait maintenant qu'elle s'était lourdement trompée. Il y avait autre chose dans ce conte. Le pouvoir de Farouk était devenu si incontrôlable que le théâtre entier avait dû être évacué. Il s'était depuis enfermé au dernier étage de la tour et, d'après son aide-mémoire, il était inapprochable pour le moment. Ophélie l'était devenue également. Jusqu'à nouvel ordre, elle était persona non grata. Renard avait passé la moitié de la nuit à décrocher le téléphone pour noter tous les rendez-vous annulés. Quant à Bérénilde, elle l'avait sermonnée comme jamais, la traitant tour à tour d'effrontée, d'idiote et d'ingrate. « Si nous perdons la protection de notre Seigneur, » répéta-t-elle en se contractant des deux mains sur son ventre, « nous sommes condamnés. » Pour toutes ces raisons, Ophélie était incapable de calmer la nervosité des accessoires de sa chambre. Et ce fut en voyant le grand miroir de la psyché se balancer furieusement dans son cadre qu'elle s'était soudain rappelé son rendez-vous manqué avec Thorne. Ophélie se tira du lit et enfonça une main dans son reflet. Elle s'étonna de ne pas sentir l'étoffe des manteaux dans la penderie de l'intendance. Cela signifiait que Thorne avait laissé la porte de son armoire ouverte et qu'il attendait toujours sa visite, malgré l'heure tardive de la nuit. Après une hésitation, elle attrapa ses lunettes, qui marchaient en crabe, sur le lit, puis enfila sa robe de chambre et ses bottines. Quand Ophélie passa du miroir de sa chambre à celui de la penderie, la différence de température fut telle qu'elle en eut le souffle coupé. C'était comme quitter l'été pour pénétrer au plus dur de l'hiver. L'intendance était l'archétype même de la discipline, avec ses dossiers parfaitement alignés, ses casiers fermés à clé et ses cotes étiquetées sur chaque étagère. Ophélie crut donc s'être trompée de miroir quand elle découvrit, dans l'éclairage vacillant d'une lampe, des centaines de papiers qui dansaient à travers la pièce, comme les oiseaux d'une volière. Un vent glacial s'engouffrait à l'intérieur avec la force d'un torrent. S'il avait le mérite d'être vrai, à la différence des brises de cour qu'elle respirait à longueur de journée, il emportait la paperasse dans d'incontrôlables tourbillons blancs. Ophélie posa les pieds sur le sol de façon à ne pas froisser toute cette administration, en se demandant où était Thorne et pourquoi il avait ouvert la fenêtre. Ce fut en s'approchant de l'œil de bœuf et en entendant du verre crisser sous ses souliers qu'Ophélie comprit que la fenêtre n'était pas ouverte, quelqu'un l'avait brisée. Cette surprise-là ne fut rien en comparaison de l'étonnement qui la saisit quand elle trouva enfin Thorne au milieu de la tempête de papier. Il pointait son pistolet sur elle.